plus te quitter. Je ne peux plus te quitter. Je ne peux plus te quitter. Écoute-moi, je veux t'aimer. Hey, ça c'est sûr. Yeah, yeah, yeah. Je suis fou. Yeah, yeah, yeah. Ça c'est sûr. Yeah, yeah, yeah. À quand le prochain rendez-vous? Je suis le premier qui t'ai remarqué. Personne encore ne t'a dit. Vous êtes vraiment joli. Ça c'est sûr. Yeah, yeah, yeah. Je suis fou. Yeah, yeah, yeah. Ça c'est sûr. Yeah, yeah, yeah. À quand le prochain rendez-vous? Et moi, c'est la première fois que je suis comme ça. Jamais encore dans mon cœur je n'ai eu tant de bonheur. Ça c'est sûr. Yeah, yeah, yeah. Je suis fou. Yeah, yeah, yeah. Ça c'est sûr. Yeah, yeah, yeah. À quand le prochain rendez-vous? Quelqu'un venait à te remarquer. Surtout ne réponds jamais. Je ne veux plus te quitter. Ça c'est sûr. Yeah, yeah, yeah. Je suis fou. Yeah, yeah, yeah. Ça c'est sûr. Yeah, yeah, yeah. À quand le prochain rendez-vous?